Article 1er. Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Article 2. Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir le membre d'une même famille. Article 3. Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline et la camaraderie sont ta force, le courage et la loyauté tes vertus. Article 4. Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, ton comportement toujours digne mais modeste, ton casernement toujours né. Article 5. Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur. Tu entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux. Tu as le souci constant de ta forme physique. Article 6. La mission est sacrée. Tu l'exécutes jusqu'au bout et si besoin en opération au pareil de ta vie. Article 7. Au combat, tu agis sans passion et sans haine. Tu respectes les ennemis vaincus. Tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Fala, professor.